Chapitre 7e, la lumière du monde. Le Raja de Golconde, mon nouveau maître, s'appelait Alemgir, ce qui signifie la lumière du monde. Il n'avait certes pas pour moi les égards auxquels j'étais accoutumé. Il ne se prosternait pas, ne me saluait même pas. Mais il faisait mieux que tout cela, il m'aimait. Le premier, il me flatta de la main, me dit de douces paroles, me témoigna de l'affection, et non pas pour ma qualité d'éléphant blanc, beaucoup moins appréciée dans l'Inde qu'Assiam, mais parce qu'il me trouvait intelligent, affable et soumis plus qu'aucun autre de ces éléphants. Il s'occupait de moi, venait me voir chaque jour, veillait à ce qu'on ne me laissât manquer de rien. Il avait changé mon nom de roi magnanime en celui de Hirabhata, qui est le nom de la monture du dieu Indra. C'était encore assez honorable, et je fus vite consolé de ne plus être traité en idole, par le plaisir d'être traité en ami. Alemgir aurait voulu que sa femme, la princesse Saphir du Ciel, ne se servit de moi comme monture, mais jamais elle ne voulut consentir à s'installer sur mon dos. « Ce serait un sacrilège, disait-elle, une grave offense à l'un de mes aïeux. » Elle était persuadée que j'étais un de ses arrière-grands-pères, subissant une métamorphose. Son mari eut beau la railler doucement, il ne parvint pas à la faire céder. Alors il lui donna un éléphant noir et me garda pour son service. J'étais fier de porter mon prince aux promenades, aux fêtes, à la chasse aux tigres qu'il m'avait enseigné. Ma vie était moins paresseuse qu'à Siam, mais beaucoup plus variée et amusante. Mon maout, malgré la peine que lui procurait cette existence mouvementée, la trouvait meilleure et plus joyeuse que la vie nonchalante de jadis, et comme d'habitude, il me faisait part de ses sentiments. On m'enseigna aussi la guerre, car dans l'année qui suivit celle du mariage d'Alemgir avec Saphir du Ciel, de graves inquiétudes vinrent assombrir le bonheur des jeunes époux. Un puissant voisin, le Maharaja de Mysore, ne cessait de chercher querelle au prince de Golconde pour des questions de frontières. Alemgir faisait tout le possible pour éviter de rompre la paix. Mais le mauvais vouloir de son adversaire était évident, et malgré les efforts conciliants des ambassadeurs, une guerre était imminente. La princesse avait écrit à son père, le roi de Siam, qui envoya des canons et un petit nombre de soldats, mais l'ennemi était fort et l'angoisse de tous augmentait à chaque heure. Un jour, les ambassadeurs revinrent, consternés. Les pourparlers étaient rompus. Le Maharaja de Mysore déclarait la guerre au prince de Golconde. En grande hâte, on termina les préparatifs et un matin, on me revêtit de mon appareil de combat. Une carapace de corne me couvrait jusqu'au-dessous des genoux. Sur la tête, j'avais une calotte de métal et ma face était protégée par une visière de fer avec des trous pour les yeux et une pointe au milieu du front. Ma trompe et ma croupe furent revêtues d'une demi-cuirasse articulée, ayant au milieu une arête saillante, armée de dents, et l'on mit à mes défenses des fourreaux d'acier aigus et tranchants qui les allongeaient et en faisaient des armes terribles. Ainsi harnaché, mon maout, qui lui aussi avait une cuirasse et pesait sur mon cou plus qu'à l'ordinaire, me conduisit au pied de la varangue du palais, du côté de la grande cour d'honneur, dans laquelle tous les chefs de l'armée étaient réunis. Le prince Alemgir parut sous la varangue, et ses officiers l'acclamèrent en choquant leurs armes. Il était magnifique dans sa parure guerrière. Une tunique de mailles d'or sous une légère cuirasse constellée de pierreries, un bouclier rond qui éblouissait, et un casque damasquiné avec un diamant pour cimier. Debout, sur la plus haute marche, il harangua les guerriers, mais je ne savais pas encore l'hindoustani et je ne compris pas ce qu'il disait. Au moment où il descendait pour se mettre en selle, la princesse Saphir du Ciel, suivie de toutes ses femmes, s'élança hors du palais et se jeta dans les bras de son mari en sanglotant. « Hélas ! Criait-elle à travers ses larmes. « Que vais-je devenir, séparée de toi ? Comment supporterai-je les angoisses continuelles de te savoir exposée aux blessures et à la mort ? L'héritier que nous attendions, dans la joie et dans les fêtes, viendra au milieu des pleurs et du désespoir. Il naîtra orphelin, peut-être, car si le père est tué, la mère ne survivra pas. » J'écoutais cela, le cœur serré sous ma carapace, et le prince, très ému, retenait ses larmes. Il fit un effort cependant pour se maîtriser et répondit avec calme. Chaque homme se doit à son pays, et le prince plus que tout homme. Notre honneur et le salut du peuple sont plus précieux pour nous que notre félicité même. Il nous faut donner l'exemple du courage et de l'abnégation, au lieu de nous laisser amollir par les larmes. Si la guerre m'est cruelle, et si je meurs, tu vivras, ma femme bien-aimée, pour élever notre enfant. Plus tard, nous nous retrouverons et nous serons éternellement heureux dans l'autre vie. Il s'efforçait doucement de dénouer l'étreinte de ses bras délicats. Le voile léger de saphir du ciel s'accrochait aux ornements de la cuirasse. Il s'y déchira, il laissa un lambeau que le prince recueillit et garda comme un talisman. Maintenant Alemguir était en selle, et c'est moi que d'une voix haletante de sanglots la princesse suppliait. « Irabata, toi qui es fort, toi qui aimes ton maître et qui dois m'aimer, puisque tu as l'âme d'un de mes aïeux, protège le prince, défends-le, ramène-le-moi vivant, car s'il ne revient pas, je mourrai. » En disant ces mots, la princesse devint pâle comme de la neige et tomba évanouie dans les bras de ses suivantes. Je fis le serment dans mon cœur de défendre mon maître de tous mes efforts et de ne pas ménager ma vie pour sauver la sienne. Profitant de l'évanouissement de Saphir du Ciel qui la rendait insensible, Alemguir avait donné le signal du départ. On quitta le palais, puis on sortit de Golconde pour rejoindre le gros de l'armée qui campait dans la plaine. L'artillerie et les éléphants furent placés au centre des bataillons, les cavaliers à droite et à gauche, et les fantassins devant et derrière. Les trompettes sonnèrent une marche guerrière, les timbales grondèrent sourdement, l'armée tout entière poussa une longue clameur, et l'on marcha vers l'ennemi. Chapitre 8e. Bataille. Quelle chose terrible qu'une bataille, terrible et grandiose. Comme cela vous grise et vous étourdit, vous rend féroce, intrépide, indifférent au danger. La musique, le fracas du canon, la fusillade, les cris des combattants, tout ce tumulte, cette fumée, cette poussière, vous communique une fureur particulière qui fait que vous haïssez des êtres que vous ne voyez même pas, que vous n'avez jamais connus, et qui, sans plus de raison, ont contre vous la même rage mortelle. Dans les premiers moments, moi qui n'avais jamais tué que des tigres, je frissonnais à l'idée de verser du sang humain. J'hésitais, j'évitais de porter des coups, mais soudain, je vis mon maître en danger. Un cavalier le visait de tout près. Il n'eut pas le temps de tirer. Mes défenses avec leurs armes tranchantes disparaissaient dans le ventre du cheval que j'enlevais en l'air et dont je jetais le cadavre sanglant avec celui qu'il portait au milieu des ennemis. À partir de ce moment, ce fut un carnage devant moi. Je perçais, je tranchais, j'éventrais sur mon passage des vivants, faisant des morts, pétrissant les cadavres sous mes larges pieds qui bientôt furent chaussés de sang. Le prince m'excitait de la voix, me poussait en avant. Son fusil, qu'un soldat placé derrière lui remplaçait dès qu'il était déchargé, ne se taisait pas et son tir était si dur qu'il ne manquait jamais celui qu'il visait. Les rangs ennemis se creusaient devant nous et Alemguir, toujours plein d'ardeur, me poussait toujours plus loin. Il voulait atteindre le Maharaja de Mysore, qui du centre de son armée dirigeait le combat. Il le voyait déjà, lui criait des injures, le défiait de venir se mesurer avec lui. Le Maharaja souriait dédaigneusement, ne répondait pas. Tout à coup, mon Mahout, qui lui ne s'occupait qu'à me diriger, et moins emporté par la fureur guerrière, était mieux à même de juger la situation, cria d'une voix éperdue « En arrière, où s'en est fait de nous ?» Mais le prince criait « En avant !» Et mon Mahout eut beau me labourer l'oreille de son croc, je refusais d'obéir. « Prince, prince, vous êtes perdu !» gémissait le malheureux esclave. « L'armée de Golconde bat en retraite, nous sommes seuls au milieu des ennemis, on nous cerne, nous sommes pris, il est trop tard pour fuir !» Une balle l'atteignit, avec un gémissement étouffé, il roula de mon cou, se cramponna un instant, m'inondant de sang, puis il tomba. Mort, il était mort. Je m'arrêtai, consterné, retournant le corps doucement du bout de ma trompe. Il ne bougeait plus, ne respirait plus, c'était fini. Mon pauvre Mahout avait rendu le dernier soupir, si vite, presque sans souffrir. Voilà donc ce qu'avait été pour lui la destinée. Je le revoyais là-bas à Bangkok, me parlant gravement. Devons-nous nous réjouir ou pleurer? Hélas, il était mort, il n'avait plus ni larmes, ni joie. Mais autour de moi éclataient des cris de triomphe, mon maître luttait encore. « Prenez-le vivant !» criait du haut de son éléphant le Maharaja, « il faut qu'il meure de la main du bourreau !» Je voulais m'élancer encore, mais je m'enchevêtrais les pieds dans des nœuds coulants qu'on m'avait lancés et que mes mouvements furieux pour me dégager serrèrent davantage. C'en était fait, j'étais pris et mon maître avec moi. Pauvre princesse Saphir du Ciel, qui dans le palais désolé se lamentait et pleurait, souffrant de l'angoisse mille fois plus que de nous du malheur. C'était donc aussi pour elle la destinée. J'entendais encore sa douce voix me suppliant, m'adjurant de lui ramener l'époux bien-aimé. Et voilà, Nous étions vaincus, prisonniers, et on lisait au prince enchaîné la sentence qui le condamnait à mourir d'une mort honteuse à l'aube du lendemain. Moi, j'étais une valeur, je faisais partie du butin, on n'en voulait pas à ma vie, mais j'avais été si terrible dans le combat qu'on osait m'approcher. Je réfléchissais de toute la puissance de mon faible esprit et je jugeais qu'il fallait paraître me soumettre. Je commençais à sentir la cuisson de mes blessures et la fatigue du combat. Mon lourd harnais de guerre me lassait beaucoup. Je me mis à pousser des gémissements plaintifs comme pour implorer l'assistance de ceux qui faisaient cercle autour de moi. L'un d'eux, me voyant si calme, osa s'approcher. Je redoublai ma plainte en la faisant très douce. « Il doit être blessé, » dit l'homme. « Il faut le panser afin qu'il guérisse, car c'est une bête d'un très grand prix. » Tous s'approchèrent. On défit ma carapace. On enleva toutes les pièces de l'armure et j'y aidai de mon mieux. Quand ce fut fini, je me couchai sur le sol comme accablé. J'avais beaucoup de blessures, une seule un peu profonde, au défaut de l'épaule. On fit venir un médecin qui me pansa. Pendant ce temps, je songeais à mon maître qui peut-être était blessé lui aussi et que l'on ne secourait pas. Je n'avais pas cessé de le suivre de l'œil sans en avoir l'air pendant la comédie que j'avais jouée. J'avais vu qu'on l'avait traîné dans une tente misérable, qu'on l'avait attaché à un poteau et que des soldats, l'arme au poing, le gardaient. Le chagrin me serrait le cœur et les gémissements que je poussais étaient sincères, mais mes blessures ne les causaient pas. Pourtant, je feignis l'indifférence pour mon maître. Je paraissais ne songer qu'à moi, et je sus remercier si bien le chirurgien de ses soins qu'il fut touché et ordonna qu'on me retirât les nœuds coulants qui me meurtrissaient les jambes. « Cet éléphant est d'une douceur remarquable, » dit-il. « Donnez-lui à manger et à boire, car il paraît très las et très faible. C'est sans doute à cause du sang qu'il a perdu, il faut le réconforter. » Il s'éloigna pour aller panser d'autres blessures. On m'apporta bientôt une bonne provision de fourrage, des légumes, du riz et de l'eau fraîche dans un grand bassin. Je pensais au prince Alemguir qui peut-être souffrait de la soif, et mon gosier se serra. Cependant, nous sommes esclaves de notre énorme appétit. La faim nous dompte et nous affaiblit très promptement. Il fallait donc manger, pour être fort et prêt à tout. Je le fis de l'air nonchalant et dégoûté d'un malade, sans me relever du sol. Alors, ne redoutant rien de moi, on me mit au pied une légère entrave, relia un pieu et on me laissa. Chapitre 9e, l'évasion. La nuit venait. Des lumières piquaient de points rouges toute l'étendue du camp. Des fumées montaient, droites, dans l'air tranquille. Je voyais autour des marmites des hommes accroupis, noirs, sur la clarté, puis il y eut des danses, des chants et des musiques. On célébrait la victoire en buvant, en criant, en se disputant. On simula même des luttes corps à corps qui s'envenimèrent si bien que le sang coula. Puis, peu à peu, le silence se fit, tout s'éteignit. Un lourd sommeil pesa sur ce soir de bataille. Alors, je me dressai sur mes pieds. Il n'y avait pas de lune. Seules les grandes étoiles palpitaient au ciel. J'écoutais, je regardais dans la demi-obscurité. Les tentes formaient des monticules sombres qui ondulaient à perte de vue. Aucun bruit, sauf le cri intermittent de lointaines sentinelles qu'on ne voyait pas. Devant la tente où mon maître était enchaîné, deux soldats en tunique blanche, le fusil à l'épaule, marchaient lentement. Je distinguais parfaitement leurs longues robes claires et leurs turbans de mousseline. Par moments, le canon de leur fusil brillait, reflétant une étoile. Tuer ces deux hommes, délivrer mon maître, fuir avec lui, est-ce que cela était possible? Les sentinelles se promenaient lentement autour de la tente du prisonnier, marchant sans s'inverser l'une de l'autre, de façon qu'elles voyaient à la fois de tous les côtés. Comment les atteindre sans qu'elles puissent donner l'éveil? Immobile dans la nuit, je les suivais de l'œil, cherchant à bien comprendre leurs mouvements, les positions diverses qu'elles occupaient dans leur va-et-vient. Je remarquai qu'au moment où l'un des soldats rencontrait et croisait mon compagnon, il me tournait le dos, puis disparaissait derrière la tente et qu'aussitôt, l'autre soldat, décrivant le cercle, me présentait aussi le dos. Un instant très court s'écoulait avant que le premier, me faisant face alors, reparût. Je ne pouvais atteindre les geôliers tous les deux d'un seul coup, et si l'un me voyait attaquer l'autre, il avait le temps de donner l'alarme et d'éveiller tout le camp. C'était donc pendant cet instant si bref qu'il fallait agir. Une vingtaine de pas me séparait de la tente et cela augmentait la difficulté de l'entreprise en raccourcissant encore l'instant où j'étais invisible. Il fallait la tenter cependant. J'essayai de défaire l'entrave de mon pied. Je ne pus y réussir, mais d'une secousse, j'arrachai le pieu qui me retenait, j'étais libre. Choisissant le moment favorable, je fis quelques pas vers la tente, puis j'attendis un autre tour des soldats pour en faire encore quelques autres. Je gardai l'attitude d'un éléphant endormi, et ils ne remarquèrent pas dans l'obscurité que je m'étais approché. Il était temps, il fallait agir, au prochain tour, pensai-je. Mais mon cœur battait si fort que je fus obligé d'attendre encore. Ma seule peur était de ne pas réussir, et j'avais aussi un peu d'angoisse à l'idée de massacrer, par traîtrise, ces deux inconnus. Après tout, les hommes ne m'avaient-ils pas donné l'exemple de la férocité, et pour délivrer mon maître, j'aurais sacrifié, sans remords, toute l'armée ennemie. Le sang-froid me revint subitement, et ce fut avec une lucidité extrême que je ménageai tous mes mouvements. Le premier soldat fut saisi, étouffé par ma trompe sans qu'il y ait eu d'autre bruit que le craquement de ses os broyés. J'avais déjà rejeté son cadavre quand l'autre se trouva en face de moi. Il ne cria pas, tant sa terreur fut grande, mais fit instinctivement un bond en arrière, un bond si peu mesuré qu'il le fit tomber sur le dos. Le malheureux ne se releva pas, mon énorme pied s'abattant sur lui en fit une boue sanglante. Je respirai longuement. Puis je prêtai l'oreille. Dans le lointain, toujours, le cri intermittent des sentinelles qui veillaient aux limites du camp dont nous occupions le centre. On allait les relever bientôt, peut-être, ainsi que les geôliers du prince. Il n'y avait pas un instant à perdre. Pourtant, je n'osais approcher mon maître brusquement, de peur de lui arracher un cri de surprise. Dormait-il, le cher prince, accablé de fatigue, ou pleurait-il silencieusement sur sa liberté et sa vie perdue? Je ne savais vraiment que faire, et l'épouvante de voir les minutes s'écouler me faisait courir un frisson sur la peau. Tout à coup il me vint une idée. J'arrachai d'un côté tous les pieux qui retenaient la tente, et la saisissant par le bas, je relevai toute une moitié en la rejetant sur l'autre, comme eût pu le faire un vent de tempête. L'abri était enlevé de cette façon. Le prince m'apparut, assis sur le sol, le coude sur un genou, le front dans sa main. Il releva la tête brusquement et tout de suite vit ma géante silhouette sur le ciel étoilé. « Iravata, murmura-t-il, mon ami, mon compagnon de misère. » Les larmes me venaient, mais il ne s'agissait pas de cela. Je touchai les chaînes de mon maître, les palpant, jugeant leur force. Ce n'était rien pour moi. D'un seul coup, elles furent brisées, celles des pieds, puis enfin la plus lourde, qui reliée à une ceinture de fer, attache le prince à une potence. « Que fais-tu? Comment es-tu libre ?» demandait Alemguir, qui peu à peu sortait de sa prostration. Tout à coup, il comprit, se dressa debout. « Mais tu me délivres? Tu veux me sauver ?» Je fis signe que c'était cela et qu'il fallait se hâter. Calme et résolu, il rejetait les tronçons de chêne. Je lui montrai celle que j'avais au pied et le pieu que je traînais. Il se baissa, défit l'entrave. Puis je l'aidai à se hisser sur mon cou. Ah, quel plaisir j'avais à le sentir là! Mais nous étions loin d'être hors de danger. Il ne parlait plus, concentrant toute son attention à bien diriger notre fuite. Sortant de l'obscurité de la tente, il voyait mieux au dehors, et de haut, il regarda autour de lui, écoutant le cri des sentinelles, pour se rendre compte de la disposition du camp, de son étendue, de sa plus proche limite. Il se penchait, dardait son regard, mais au-delà d'une centaine de pas, il était impossible de percer l'obscurité. Des routes étaient formées, entre les tentes alignées sans trop de désordre, mais ces routes devaient être gardées, et le prince jugea qu'il valait mieux se glisser entre les tentes dans l'enchevêtrement des ombres. Nous avons l'avantage, malgré notre apparence pesante et notre massive corpulence, de pouvoir marcher sans faire plus de bruit que des panthères ou des chats. Tout un troupeau d'éléphants en voyage, s'il redoute quelque danger, saura ne pas faire craquer une brindille, ne pas froisser une feuille. L'oreille la plus fine ne percevrait pas le bruit de leurs pas, et qui les verrait défiler ainsi par centaines, dans un silence absolu, les prendrait pour des fantômes. Il serait donc juste de dire, léger comme un éléphant, mais je pense que cette idée ne vient à personne. Cette particularité explique comment je pus circuler entre ces milliers de tentes, y voyant mal, ayant pour passer le plus souvent bien juste la largeur de mon corps, sans rien accrocher, sans rien renverser, sans qu'aucun bruit pût dénoncer notre présence. Nous étions à la limite du camp maintenant, et le plus difficile était de la franchir, car elle avait été rapidement fortifiée par des retranchements et des fossés. Mais ce travail hâtif était médiocre et peu solide. Le prince se pencha tout près de mon oreille et me dit « Essaie de renverser le mur de terre dans le fossé, de façon à le combler tout en ouvrant une brèche. » C'était compris, je me mis à l'œuvre. La terre, encore molle, cédait facilement. Mais je ne pouvais éviter un choc sourd quand elle tombait dans le fossé. Le bruit était bien faible, bien étouffé, et cependant il me semblait formidable. Enfin la brèche était faite. Je passai, puis m'enfonçant dans la boue du fossé, je parvins à remonter sur l'autre bord. Nous étions hors du camp et j'allongeais le pas avec allégresse. Mais un cri retentit, un cri d'alarme. On nous avait vus dans l'espace découvert que je franchissais à toute vitesse. « Attention, mon maître !» Je le saisis. Je le couchai en travers sur mes défenses, le soutenant avec ma trompe sans ralentir ma course. Mon oreille très subtile avait perçu le bruit de fusil qu'on armait. On allait tirer sur nous, mais le prince, protégé par toute la masse de mon corps, ne risquait rien. Une lueur brusque cingla l'obscurité. De multiples crépitements éclatèrent, et je reçus une poignée de balles sur la croupe. Elles y rebondirent. D'ailleurs, ces petites billes de plomb n'étaient pas capables d'attaquer la rude peau d'un éléphant. Elles me piquèrent seulement, comme des pointes rougies au feu. Une seconde décharge ne m'atteignit pas, si ce n'est une balle qui, frôlant mon oreille, l'échancra d'un petit morceau. Je courais plus vite, voulant atteindre un taillis qui du moins nous mettait à l'abri des balles. Au moment où je l'atteignais, j'entendis derrière nous le choc sourd des chevaux qui galopaient. « Nous sommes poursuivis !» dit Alemguir. Il avait repris sa place sur mon cou. Je me jetai au plus épais du fourré, faisant une trouée à l'aide de mes défenses, écrasant les branchages sous mes pieds. Mais cela nous retardait, dénonçait nos traces, laissait un chemin ouvert à nos ennemis. Impossible d'éviter ce danger, et l'inquiétude me donnait un tremblement qui me paralysait un peu. Mon maître, plein de sang-froid, me parlait doucement. « Calme-toi, » disait-il, « rien n'est désespéré. Tu sais combien les chevaux ont peur de toi. S'ils nous atteignent, tu n'auras qu'à te retourner et à fondre sur eux pour les affoler et les faire fuir. » Mais, sans pouvoir l'exprimer, je pensais « Les balles pourraient atteindre mon cher prince. » Cependant, je me remis et je parvins à avancer plus vite. Le jour qui vint si tôt en été commençait à poindre. Un bruit sourd et continu se rapprochait et empêchait de percevoir la galopade des chevaux. « N'est-ce pas un torrent ?» dit Alemguir. « Si nous pouvions l'atteindre et le mettre entre nous et ceux qui nous poursuivent, nous serions sauvés. » Je dressai ma trompe, humant l'air pour m'orienter, et je changeai de direction. Le taillis s'éclaircissait. J'avançais plus aisément entre de jeunes arbres et des roseaux que j'écrasais sous mes pieds, et nous fûmes bientôt devant une rivière torrentueuse qui courait au fond d'une gorge. L'eau qui bouillonnait sur place et filait à donner le vertige s'était creusé un lit dans la terre argileuse et semblait couler entre deux murailles. « Hélas, » dit le prince, « ce que je croyais devoir nous sauver va nous perdre. Il est impossible de descendre dans cette rivière. » À mon avis, c'était difficile, mais non impossible. Et, comme réfléchir perdait du temps, je me mis tout de suite à creuser la glaise avec mes défenses, à la pétrir sous mes pieds, à la rejeter à droite et à gauche, de façon à former une sorte d'escalier. Mais quand je crus que je pouvais m'y risquer, la terre s'éboula, et glissant sur la boue gluante, j'entrai dans la rivière plus vite que je ne le voulais, avec un pouf formidable qui fit rejaillir l'eau à une hauteur extraordinaire. Par bonheur, mon maître avait pu se cramponner à mon oreille et n'avait aucun mal. Je me consolais vite de ma chute, dont j'étais cependant un peu abasourdi. Maintenant, le courant nous emportait et je le laissais faire. Il courait pour moi, tandis que je me reposais délicieusement dans la fraîcheur de l'eau qui me ranimait. Le prince aussi retrouvait ses forces. Il se pencha plusieurs fois pour boire dans le creux de sa main. Tout à coup, il tourna la tête. « Voici nos ennemis !» dit-il. Les cavaliers, suivant la trouée que j'avais faite dans le taillis, venaient de déboucher sur la berge. Ils nous aperçurent et, suivant la rive, se lancèrent de notre côté. Le prince ne les quittait pas des yeux. « Ils ajustent !» me cria-t-il. « Pousse ton cri de guerre !» Je tirai du fond de mes poumons le plus terrible barré qu'il me fut possible. Il était assez réussi, et les échos se le rejetèrent à n'en plus finir. L'effet que mon maître voulait produire ne manqua pas. Les chevaux épouvantés se cabrèrent dans des mouvements désordonnés et toute la charge des fusils s'éparpilla sans nous atteindre. « Nous savons comment nous défendre à présent, » dit Alemguir. « Plusieurs cavaliers sont désarçonnés et les autres ont beaucoup de peine à se faire obéir de leur monture. » Je tournai le dos et ne pouvais rien voir, mais j'étais bien heureux de ce que j'entendais là. Le courant nous emportait toujours Il n'y avait pas moyen d'aborder sur l'autre rive qui présentait toujours une muraille à pic, tandis que du côté de nos ennemis, le terrain de plus en plus s'abaissait. Les soldats de Mysore étaient parvenus à dompter leurs chevaux, et ils gagnaient sur nous rapidement. Mais c'était un autre danger qui m'inquiétait tout à coup. Je sentais l'eau m'emporter avec une rapidité croissante, inexplicable, comme attirée vers un gouffre. Je me mis, par de vigoureux coups de pied, à lutter contre le courant, à essayer de rebrousser chemin, mais je ne retardais que de bien peu la course qui devenait vertigineuse. Le prince partageait mon angoisse. « Aide-moi, » dit-il. « Debout sur ton cou, je pourrais voir ce qui nous menace. » Je tendis ma trompe par-dessus mon front, et il s'y appuya pour se tenir debout. « N'hésite pas, » cria-t-il aussitôt d'une voix qui tremblait. « Jette-toi sur le rivage où sont nos ennemis. La rivière tombe dans un abîme, en une cataracte épouvantable. » De toutes mes forces, je nageais vers le bord, mais une force supérieure à la mienne me tirait vers la chute, dont nous n'étions plus déjà qu'à une centaine de mètres. « Courage, courage !» criait mon maître qui haletait. Je fis un effort désespéré, tendant tous mes muscles, mettant en jeu toute la vigueur dont j'étais doué. Mais j'étais à bout d'haleine, étourdi par le grondement terrible et si proche de la cataracte, et ce tourbillonnement de l'eau qui brouillait la vue. Je croyais bien que tout espoir était perdu et j'allais m'abandonner, quand je sentis le fond sous mon pied. Cela ranima mon énergie. En deux poussées, je fus à quelques mètres du bord, debout sur un fond de roche solide, les flancs secoués par un essoufflement cruel. Le prince, dont je sentais encore les membres trembler, me flattait de la main, me disant de douces paroles. L'eau, en courant, écumait contre mes jambes massives comme sur les piles d'un pont. Mais elle ne pouvait plus m'emporter. Les soldats, avec des cris de joie, couraient, nous visant tout à leur aise. « Fonce sur eux !» ordonna mon maître. Je fis retentir le tonnerre de ma voix et je m'élançai hors de l'eau, la trompe haute. Les chevaux reprirent peur, bondissant, secouant le mort. Plusieurs tournèrent bride, s'enfuirent ventre à terre. Le chef, cependant, s'acharnait. Maîtrisant des éperons sa monture plus docile, il tira. La balle passa si près de la tête d'Alemguir qu'elle lui brûla les cheveux. Alors, transporté de fureur, je courus sur le soldat et l'ayant rejoint, je l'empoignai avec ma trompe et l'arrachai de sa selle. Au cri qu'il poussa, au lieu de chercher à le secourir, ceux de ses compagnons qui tenaient encore prirent la fuite. Pendant ce temps, je balançai le vaincu comme un trophée, puis je le lançai au milieu de la rivière, où il tomba avec un pouf presque aussi fort que le mien de tout à l'heure. Le misérable se débattit un instant, puis fut emporté, précipité avec la cataracte.